señor, señor, cavará el soldar. Mire torrero, he de saltarme, por plaisir, iso recomba. Le sire que plaige ur de fête, sire que plaige au tomba. Les spectateurs, erre la tête, les spectateurs, sans perdre le tagre fracas, apostrophe, crise et tapage, poussée jusque à la fureur. C'est la fête du courage, c'est la fête des gens de cœur. Allons, en garde, allons, allons, toréador, en garde, toréador, toréador. Et songe bien, oui, songe en combattant. Toreador, l'amour, l'amour t'attend. C'est comme ça. Je... J'attendrai, alors.